Section 2 de Poésies allemandes, traduite par Gérard de Nerval. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johann. Goethe, poème 8 à 14. Le dieu et la Bayadère, nouvelle indienne. Mahadohé, le maître de la terre, y descendait pour la sixième fois afin de s'y faire notre semblable et d'y éprouver nos douleurs et nos joies. Habitant parmi les mortels, il s'était résigné au même sort, il voulait observer les hommes en hommes pour récompenser ou punir, et quand il avait dans son voyage traversé une ville, humilié quelques grands, élevé quelques petits, le dieu s'en éloignait le soir et poursuivait sa route. Un jour qu'il sortait ainsi d'une ville, il aperçut une jeune et jolie fille, aux joues toutes roses, dans l'une des dernières maisons. « Bonjour, ma jeune enfant. Grand merci, Seigneur. Veuillez m'attendre. Je viens à votre rencontre. Qui donc es-tu ? Une bayadère, et c'est ici ma maison. » Elle s'approche en faisant retentir les joyeuses cymbales, figure autour de lui mille danses variées, puis se prosterne et lui offre des fleurs. Elle l'attire enfin gracieusement chez elle. « Bel étranger, ma demeure va s'éclairer pour toi. » De lumière brillante. Es-tu fatigué? Tu pourras t'y reposer. Je panserai tes pieds blessés par le voyage. Tout ce que tu peux désirer, repos, joie et plaisir, viendra s'offrir à toi. » Et elle cherche à adoucir les feintes souffrances du dieu qui lui sourit. Il démêle avec joie un cœur sensible parmi tant de corruptions. Il exige d'elle un service d'esclave. Mais la jeune fille s'en acquittait avec un zèle toujours nouveau, et ce qu'elle faisait d'abord par complaisance, elle sembla bientôt le faire par besoin, car de même que la fleur se remplace bientôt par le fruit, l'amour insensiblement conduit à la soumission. Mais pour l'éprouver mieux, le dieu la fait passer successivement des brûlants transports du plaisir aux angoisses de la douleur. Et dès qu'il lui donne un baiser, elle ressent en elle toutes les peines de l'amour, elle comprend son esclavage et pleure pour la première fois. Elle se jette aux pieds du dieu, non qu'elle en espère quelque intérêt ou quelque retour, mais parce que ses membres refusent de la soutenir. Bientôt, cependant, la nuit étendra ses voiles sur les instants de bonheur qui récompenseront son amour. Après un court sommeil, elle se réveille et trouve son aimable hôte mort à ses côtés. En vain le presse-t-elle dans ses bras en jetant de grands cris. Il ne se réveillera plus et la flamme va dévorer bientôt sa froide dépouille. Les brames ont déjà entonné l'hymne des morts. Elle l'entend à peine qu'elle s'élance, se jette à travers la foule. Qui es-tu? De quel droit t'approches-tu de ce bûcher funèbre? Mais elle se précipite, tout éplorée, sur le cadavre. C'est mon bien-aimé que je veux et je viens le chercher sur son bûcher. Je viens mêler ma cendre à la sienne. Il était à moi tout entier. Encore un doux sommeil entre ses bras. » Et les prêtres chantaient, « Nous conduisons au tombeau le vieillard glacé par de longues souffrances, et le jeune homme aussi, qui n'en a jamais éprouvé. » Écoute les paroles des prêtres. Celui-ci n'était point ton époux. Tu es une bayadère et n'as point de devoirs à remplir. L'ombre seule accompagne le corps au dernier séjour. L'épouse seule y suit l'époux, c'est à la fois son devoir et sa gloire. Sonnez, trompette, accompagnez le chant sacré, recevez, ô Dieu, l'ornement de la terre, et que les flammes s'élèvent jusqu'à vous. » Ainsi les prêtres demeurent sourds à ses prières, mais, les bras étendus, elle se jette dans cette mort éclatante. Tout à coup, le jeune Dieu se relève du sein de la flamme, embrasse celle qu'il aimait si tendrement, et l'emporte au ciel avec lui. Ainsi les dieux se réjouissent du repentir et accordent le bonheur éternel au coupable que la douleur a purifié. Le voyageur. Le voyageur. Dieu te bénisse, jeune femme, ainsi que l'enfant que nourrit ton sein. Laisse-moi sur ces rochers, à l'ombre de ces ormes, déposer mon fardeau et me délaisser près de toi. La femme. Quel motif te fait, pendant la chaleur du jour, parcourir ce sentier poudreux? Apportes-tu des marchandises de la ville pour les vendre dans ces contrées? Tu souris, étranger, de cette question? Le voyageur. Je n'apporte point de marchandises de la ville, mais le soir va bientôt répandre sa fraîcheur. Montre-moi, aimable jeune femme, la fontaine où tu te désaltères. La femme. Voici un sentier dans les rochers. Monte devant. Ce chemin, parmi les broussailles, conduit à la chaumière que j'habite, à la fontaine où je me désaltère. Le voyageur. Des traces de la main industrieuse de l'homme au milieu de ces buissons, ce n'est pas toi qui as uni ces pierres aux natures si riches dans ton désordre. La femme. Encore plus haut. Le voyageur. Une architrave couverte de mousse, je le reconnais, esprit créateur. Tu as imprimé ton cachet sur la pierre. La femme. Monte toujours, étranger. Le voyageur. Voici que je marche sur une inscription. Et ne pouvoir la lire, vous n'êtes plus aux paroles si profondément ciselées dans le marbre et qui deviez rendre témoignage devant 1000 générations de la piété de votre auteur. La femme, tu t'étonnes, étranger, de voir ces pierres autour de ma chaumière, il y en a bien d'autres. Le voyageur, là-haut. La femme, sur la gauche, en traversant les buissons, ici. Le voyageur, ô muse, ô grâce. La femme, c'est ma chaumière. Le voyageur, les débris d'un temple. La femme, et plus bas sur le côté coule la source où je me désaltère. Le voyageur, tu vis encore sur ta tombe, divin génie, ton chef-d'œuvre s'est écroulé sur toi, ô immortel. La femme, attends, je vais te chercher un vase pour boire. Le voyageur, le lierre revêt maintenant tes créations légères et divines. Comme tu t'élances du sein de ces décombres, couple gracieux de colonnes, et toi, leur sœur là-bas solitaire, la tête couverte de mousse, vous jetez sur vos compagnes, à vos pieds renversés, un regard triste mais majestueux. La terre, les débris nous les cachent, des ronces et de hautes herbes les couvrent encore de leur ombre. Estimes-tu donc si peu, ô nature, les chefs-d'œuvre de ton chef-d'œuvre? Tu ruines sans pitié ton propre sanctuaire et tu y sèmes le chardon. La femme, comme mon petit enfant dort bien. Étranger, veux-tu te reposer dans la chaumière ou si tu préfères rester ici, à l'air? Il fait frais. Prends le petit, que j'aille te chercher de l'eau. Dors, mon enfant, dors. Le voyageur, que son sommeil est doux, comme il respire paisiblement et dans sa brillante santé. Toi qui naquis sur ces restes saints du passé, puisse ton génie venir reposer sur toi, celui que son souffle caresse saura, comme un dieu, jouir de tous les jours. Tendre germe, fleuri, sois l'honneur du superbe printemps. Brille devant tous tes frères, et quand tes fleurs tomberont fanées, qu'un beau fruit s'élève de ton sein pour mûrir au feu du soleil. La femme. Que Dieu te bénisse. Il dort encore, mais je n'ai avec cette eau fraîche qu'un morceau de pain à t'offrir. Le voyageur, je te remercie. Comme tout fleurit autour de nous et reverdit. La femme, mon mari va bientôt revenir des champs. Au reste, étranger, reste pour manger avec nous le pain du soir. Le voyageur, c'est ici que vous habitez? La femme, oui, là, parmi ces murs. Mon père a bâti la chaumière avec des tuiles et des décombres, et nous y demeurons depuis. Il me donna à un laboureur et mourut dans nos bras. As-tu bien dormi, mon amour? Comme il est gai, comme il veut jouer, le petit fripon! Le voyageur. Ô nature inépuisable, tu as créé tous les êtres pour jouir de la vie. Tu as partagé ton héritage à tous tes enfants comme une bonne mère, à chacun une habitation. L'hirondelle bâtit son nid dans les donjons et s'inquiète peu des ornements que cache son ouvrage. La chenille file autour de la branche dorée un asile d'hiver pour ses œufs. Et toi, homme, tu te bâtis une chaumière avec les débris sublimes du passé. Tu jouis sur des tombes. Adieu, heureuse femme. La femme, tu ne veux donc pas rester? Le voyageur, Dieu vous garde, Dieu bénisse votre enfant. La femme, je te souhaite un heureux voyage. Le voyageur, où me conduira ce sentier que j'aperçois sur la montagne? La femme, à Cumes. Le voyageur, y a-t-il encore loin? La femme, 3 bons milles. Le voyageur, adieu. Guide mes pas, nature, les pas d'un étranger sur ces tombeaux sacrés d'autrefois. Guide-moi vers une retraite qui me protège contre le vent du nord, où un bois de peupliers me garde des rayons brûlants du midi, et quand le soir je rentrerai dans ma chaumière, le visage doré des derniers feux du soleil fait que j'y trouve une pareille femme avec un enfant dans ses bras. La première nuit du sabbat. Morceau lyrique. Un druide. Voici mai qui nous sourit. La forêt s'est dégagée de ses glaçons et de ses frimas, la neige a disparu et de joyeux chants retentissent parmi la verdure nouvelle. La blanche neige s'est retirée vers les hautes montagnes. Il faut cependant que nous y montions, selon la coutume antique et sainte, pour célébrer les louanges du Père de toutes choses. Que la flamme s'élève à travers la fumée, c'est ainsi que les cœurs montent à lui. Des druides. Que la flamme s'élève à travers la fumée. Suivons la coutume antique et sainte de célébrer les louanges du Père de toutes choses. Montons, montons encore. Une voix dans le peuple. Mais quelle audace vous transporte! Voulez-vous marcher à la mort? Ne savez-vous pas que nos ennemis victorieux sont de ce côté? Leurs pièges sont tendus autour de ces retraites pour surprendre les païens, les pécheurs. Hélas, ils égorgeront dans nos cabanes et nos femmes et nos enfants. Et nous marcherons tous vers une mort certaine. Cœur des femmes. Dans l'asile de nos cabanes, ils égorgeront nos enfants, ces impitoyables vainqueurs, et nous marcherons tous vers une mort certaine. Un druide. Celui vers qui vont s'élever nos sacrifices protégera ses adorateurs. La forêt est libre, le bois n'y manque pas, et nous en ferons d'énormes bûchers. Cependant, arrêtons-nous dans les broussailles voisines et tenons-nous tranquilles tout le jour. Plaçons des guerriers pour veiller à notre défense. Mais ce soir, il faut avec courage songer à remplir nos devoirs. Chant des guerriers qui veillent. Veillez ici, braves guerriers, aux environs de la forêt, et veillez en silence pendant qu'ils rempliront leurs saints devoirs. Un guerrier. Ces chrétiens insensés se laissent abuser par notre audace. Si nous les effrayons nous-mêmes au moyen du diable auquel ils croient, venez, il faut nous armer de cornes, de fourches et de brandons, faire grand bruit à travers les rochers. Chouettes et hiboux, accompagnez notre ronde et nos hurlements. Cœur des guerriers qui veillent, armons-nous de fourches et de cornes, comme le diable auquel ils croient, et faisons grand bruit à travers les rochers. Chouettes et hiboux, accompagnez notre ronde et nos hurlements. Un druide. Maintenant, au sein de la nuit, célébrons hautement les louanges du Père de toutes choses. Le jour approche où il faudra lui porter un cœur purifié. Il peut permettre à l'ennemi de triompher aujourd'hui et quelques jours encore. Mais la flamme s'élance de la fumée. Ainsi s'épure notre culte. On peut nous ravir nos vieux usages. Mais la lumière divine, qui nous la ravira? Un chrétien. À moi, au secours, mes frères. Ah, voici l'enfer qui nous vient. Voyez ces corps magiques tout en feu, ces hommes loups et ces femmes dragons qui se pressent en foule immense. Oh, quel tumulte épouvantable! Fuyons tous, fuyons bien loin. Là-haut flambe et mugit le diable, et l'odeur infecte des sorciers se répand jusqu'à nous. Cœur des chrétiens. Voyez, voyez ces corps magiques, hommes loups et femmes dragons. Oh, quel tumulte épouvantable! Là-haut flambe et mugit le diable, et l'odeur des sorciers se répand jusqu'à nous. Cœur des druides, la flamme s'élance de la fumée. Ainsi s'épure notre culte. On peut nous ravir nos vieux usages, mais la lumière divine, qui nous la ravira? Légende. Au temps que notre Seigneur habitait ce monde, pauvre et inconnu, quelques jeunes gens s'attachèrent à lui, dont un petit nombre seulement comprenait ses leçons. Et il aimait surtout à tenir sa cour en plein air, car sous le regard des cieux, on parle mieux et plus librement. Alors, les plus sublimes instructions sortaient de sa bouche divine sous la forme de paraboles et d'exemples, et sa parole changeait ainsi en temple le plus vulgaire marché. Un jour, qu'il se dirigeait en se promenant vers une petite ville avec un de ses disciples, il vit briller quelque chose sur le chemin. C'était un fragment de fer à cheval. Il dit à Saint-Pierre, « Ramasse donc ce morceau de fer. » Saint-Pierre avait bien autre chose en sa tête, et tout en marchant, il roulait certaines pensées, touchant la manière de régir le monde, comme il arrive à chacun de nous d'en avoir quelquefois, car qui peut borner le travail de l'esprit? Mais ces sortes d'idées lui plaisaient fort, aussi la trouvaille lui parut-elle chose de très peu d'importance. Encore si c'eût été sceptre ou couronne, mais pour un demi-fer à cheval, vaut-il la peine de se baisser? Il continua donc sa marche et fit comme s'il n'eût pas entendu. Notre Seigneur, avec sa patience ordinaire, ramassa le morceau de fer lui-même et continua aussi sa route comme si de rien n'était. Quand ils eurent atteint la ville, il s'arrêta devant la porte d'un forgeron et le lui vendit 3 liards. Puis, en traversant le marché, il aperçut de fort belles cerises. Il en acheta autant et aussi peu qu'on en peut donner pour ce prix et les mit dans sa manche sans plus d'explication. Bientôt, ils sortirent par une porte qui conduisait à des champs et à des plaines où l'on ne découvrait ni arbres, ni maisons. Le soleil était dans son plein et la chaleur était grande. En pareille circonstance, on donnerait beaucoup pour avoir un peu d'eau. Le Seigneur marchait devant et, comme par mégarde, il laissa tomber une cerise. Saint-Pierre se hâta de la ramasser comme il eût fait d'une pomme d'or et s'en humecta le palais. Notre Seigneur, après un court espace, laissa rouler à terre une autre cerise. Saint-Pierre se baissa vite pour la ramasser, et le Seigneur le fit recommencer ainsi plusieurs fois. Quand cela eut duré quelque temps, il lui dit avec un sourire, « Si tu avais su te baisser quand il le fallait, tu ne te donnerais pas à présent tant de peine. Telle crainte de se déranger pour un petit objet qui s'agitera beaucoup pour de moindres encore. » Le barde. Qu'entends-je là-bas à la porte? Qui chante sur le pont-levis? Il faut que ces chants se rapprochent de nous et résonnent dans cette salle. Le roi dit, un page court, le page revient et le roi crie, que l'on fasse entrer le vieillard. Salut, noble seigneur, salut aussi, belle dame. Je vois ici le ciel ouvert, étoile sur étoile. Qui pourrait en dire les noms? Mais dans cette salle, toute pleine de richesses et de grandeur, fermez-vous, mes yeux, ce n'est pas le moment d'admirer. Le barde ferme les yeux et sa puissante voix résonne. Les chevaliers lèvent des yeux en feu, les dames baissent leurs doux regards. Le roi, charmé, envoie chercher une chaîne d'or pour récompenser un si beau talent. Une chaîne à moi, donnez-en à vos chevaliers, dont la valeur brise les lances ennemies. Donnez à votre chancelier ce fardeau précieux pour qu'il l'ajoute aux autres qu'il porte. Je chante, moi, comme l'oiseau chante dans le feuillage. Que des sons mélodieux s'échappent de mes lèvres, voilà ma récompense. Cependant, j'oserais vous faire une prière, une seule, qu'on me verse du vin dans la plus belle coupe, une coupe d'or pur. Il approche la coupe de ses lèvres, il boit, liqueur douce et rafraîchissante. Heureuse la maison où un tel don est peu de chose, mais dans le bonheur, songez à moi. Vous remercierez Dieu d'aussi bon cœur que je vous remercie pour cette coupe de vin. Le roi de Tulé. Ballade. Il était un roi de Tulé qui fut fidèle jusqu'au tombeau et à qui son amie mourante fit présent d'une coupe d'or. Cette coupe ne le quitta plus. Il s'en servait à tous ses repas, et chaque fois qu'il y buvait, ses yeux s'humectaient de larmes, et lorsqu'il sentit son heure approcher, il compta ses villes, ses trésors, et les abandonna à ses héritiers, mais il garda sa coupe chérie. Il s'assit à sa table royale, entouré de ses chevaliers, dans la salle antique d'un palais que baignait la mer. Ensuite, il se leva, vida le vase sacré pour la dernière fois, puis le lança dans les ondes. Il le vit tomber, s'emplir, disparaître, et ses yeux s'éteignirent soudain, et depuis, il ne but plus une goutte. Les mystères. Le matin parut, et ses pas chassèrent le doux sommeil qui m'enveloppait mollement. Je me réveillais et quittais ma paisible demeure. Je me dirigeais vers la montagne, le cœur tout rajeuni. À chaque pas, des fleurs brillantes, penchant la tête sous la rosée, venaient réjouir mes regards. Le jour nouveau s'emparait du monde avec transport, et tout se ranimait pour ranimer mon âme. Et comme je montais, un brouillard se détacha de la surface du fleuve, de la prairie, et s'y répandit en bandes grisâtres. Bientôt il s'éleva, s'épaissit et voltigea autour de moi. Là disparut la belle perspective qui me ravissait. Un voile sombre enveloppa la contrée, et j'étais comme enseveli dans les nuages, comme isolé dans le crépuscule. Tout à coup, le soleil sembla percer la nue, un doux rayon la divisa et se répandit bientôt victorieux autour des bois et des collines. Avec quel plaisir je saluais le retour du soleil! Il me semblait plus beau après avoir été obscurci, et son triomphe n'était pas accompli encore que déjà j'étais tout ébloui de sa gloire. Une puissance secrète rendit la force à mon âme et je rouvris les yeux. Mais ce ne put être qu'un regard furtif, car le monde ne me paraissait plus que flamme et qu'éclat. Puis une figure divine voltigeait devant moi parmi les nuages. Jamais je n'ai vu de traits plus gracieux. Elle me regarda et s'arrêta mollement balancée par la brise. Ne me reconnais-tu pas? Dit-elle, avec une voix pleine d'intérêt et de confiance. Ne me reconnais-tu pas, moi qui répandis tant de fois un baume céleste sur les blessures de ton âme, moi qui me suis attaché ton cœur par d'éternels liens que je resserrais toujours et toujours? Ne t'ai-je pas vu répandre bien des larmes d'amour lorsque, tout enfant encore, tu me poursuivais avec tant de zèle? Oui, m'écriai-je, tombant de joie à ses pieds, que de fois j'ai ressenti tes bienfaits. Tu m'as accordé souvent la consolation et le repos, quand toutes les passions de la jeunesse se disputaient mon corps et ma vie. Que de fois, dans cette saison dévorante, tu as rafraîchi mon front de ton souffle divin. Tu m'as comblé des dons les plus précieux, et c'est de toi que j'attends encore tout mon bonheur. Je ne te nomme pas, car je t'entends nommer par bien d'autres qui te disent à eux. Tous les regards se dirigent vers toi, mais ton éclat fait baisser presque tous les yeux. Hélas, quand je m'égarais aussi, j'avais bien des rivaux. Depuis que je te connais, je suis presque seule, mais il faut que je me félicite en moi-même d'un tel bonheur et que je renferme avec soin la lumière dont tu m'as éclairée. Elle sourit et dit: Tu vois comme il est nécessaire que je ne me dévoile aux hommes qu'avec prudence. Toi-même, à peine es-tu capable d'échapper à la plus grossière illusion. À peine deviens-tu maître de tes premières volontés que tu te crois aussitôt plus qu'un mortel et que tu te révoltes contre les devoirs d'homme. Pourquoi donc te distingues-tu des autres? Connais-toi et tu vivras en paix avec le monde. Pardonne, m'écriai-je, je reconnais ma faute. Pourquoi aurais-je en vain les yeux ouverts? Une volonté franche anime tout mon être. Je reconnais enfin tout le prix de tes dons. Désormais, je veux être utile à mes semblables, en n'ensevelissant pas la source où j'ai puisé. Pourquoi donc aurais-je frayé des sentiers nouveaux si je ne devais pas les indiquer à mes frères? Et je parlais encore, quand la déesse me jeta un regard de compassion. Je cherchais à y lire ce qu'il y avait eu dans mes paroles d'erreur ou de vanité. Elle sourit et je me rassurai. Un nouvel espoir monta vers mon cœur et je pus m'approcher d'elle avec plus de confiance afin de la contempler mieux. Elle étendit la main à travers les nuages légers et la vapeur qui l'entourait, et ce qui restait de brouillard acheva de se dissiper. Mes yeux purent de nouveau pénétrer dans la vallée, le ciel était pur, la divine apparition se balançait seule dans les airs, et son voile transparent s'y déroulait en mille plis. Je te connais, je connais tes faiblesses, je sais aussi tout ce qu'il y a de bon en toi. Telles furent ces paroles qu'il me semblera toujours entendre. Écoute maintenant ce que j'ai à te dire. Il ne faut point t'enorgueillir de mes dons, mais les recevoir avec une âme calme, comme le soleil dissipe les brouillards du matin. Ainsi, la seule vérité peut arracher le voile qui couvre la beauté des muses. Et ne le jetez au vent, toi et tes amis, que pendant la chaleur du jour. Alors, la brise du soir vous apportera le frais et le parfum des fleurs. Alors, s'apaisera le vent des passions humaines. Des nuages légers rafraîchiront les airs. Le jour sera doux et la nuit sera pure. Venez vers moi, amis, quand le fardeau de la vie vous semblera trop lourd, et la prospérité répandra sur vous ses fleurs brillantes et ses fruits d'or, et nous marcherons réunis vers un nouveau jour. Ainsi, le bonheur accompagnera notre vie et notre voyage, et quand il nous faudra finir nos derniers neveux, tout en pleurant notre perte, jouiront encore des fruits de notre amour. Fin de la section 2.